corps. Il est blond quand il dort. Il est doux à toucher, si facile à aimer. Je parie sur tes yeux. Ils sont bleus quand il pleut. J'ai besoin d'une eau pure. Ces yeux-là, j'en suis sûr. Je perds la partie. C'est ma vie que je perds. Si je perds la partie, j'ai perdu tant de fois à ce drôle de jeu-là. À mon tour de gagner, je l'ai bien mérité. Je parie tout sur toi, mais la mise c'est moi. C'est mon dernier cadeau. Je n'ai plus